Histoire d'un bavard d'Eugène de Margerie. Chapitre 1er, je parle. Je suis né bavard. Je crois qu'encore dans les bras de ma nourrice, je me serais révolté, pour peu que je l'eusse connu contre ce nom que les Latins donnaient au nouveau-né, infans, celui qui ne parle pas. Autant qu'il dépendait de moi, du moins, je protestais, en imprimant à mes premiers cris, à ces vagissements qu'une science insolente qualifie de sons inarticulés, une intonation qui vraiment suppléait à la parole. Je ne dis pas assez, c'était déjà une parole latente, virtuelle, et qui n'attendait qu'un court intervalle de temps et un semblant d'apprentissage pour rompre ses liens et éclater en propos de toutes sortes. S'il faut en croire ma mère et ma nourrice, et toute une légende qui entoure mon berceau, j'avais 18 mois à peine que cette explosion était complète. À une époque où le commun des poupons et des bébés se manifeste et ravit son auditoire par quelques mots détachés qui font penser tout de suite au parler nègre, même au langage seriné des sansonnets et des perruches, je disais des phrases, je tenais des discours, je raisonnais sur ceci, sur cela, le tout d'un ton si sérieux et si plaisant à la fois, et avec un amour si évident pour cet instrument de la parole, que tous et un chacun demeuraient en extase devant moi. Ma bonne me présageait les plus hautes destinées, et ma mère, qui se contentait de jouir en silence de mes précoces succès, ne doutait pas que je ne devinsse un jour un grand orateur. Fille d'un avocat honorable qui avait gagné, en plaidaillant, une jolie fortune, mais qui ne réussit jamais à être du conseil de l'ordre, et qui n'avait été décorée que pour services exceptionnels dans la garde nationale. Ma bonne mère me voyait déjà bâtonnier, peut-être procureur général, qui sait, député, président de la Chambre, ministre. Y avait-il dignité trop haute pour un enfant qui, à 2 ans, soutenait une conversation sur les embellissements de Paris, et que l'on surprenait, discutant les qualités et les défauts comparatifs des poupées de ses 2 sœurs? Au fond, ces dispositions du premier âge ne prouvent pas grand-chose. Disons mieux, elles ne prouvent rien du tout. Et trop souvent, elles sont un piège pour les parents enthousiastes qui veulent absolument y voir une vocation. Que d'enfants avaient à 8 ans un goût prononcé pour les nez, les bouches, les paysages, les marines, qui ont eu grand-peine à devenir même de médiocres rapins. Ils eussent fait d'excellents bonnetiers ou des employés modèles. Et ce petit bonhomme, qui joue si agréablement sur le piano de ses demoiselles, et sans avoir jamais appris le carillon de Dunkerque, le pied qui remue, la casquette au père Bugeaud, etc. Il était tout simple qu'il suivît la profession paternelle et qu'il fût un jour à son tour jardinier du château. On a mieux aimé lui faire apprendre la musique, afin qu'il eût le premier prix au conservatoire, qu'il composât des opéras, ce qui le ferait rouler sur l'or, qu'il devint maître de la chapelle de l'empereur, membre de l'institut, etc., etc. Au lieu de quoi, le marmot qui a 25 ans aujourd'hui est un croque-note affamé. Et je ne pense pas qu'il aille à la cheville d'un habile ménétrier de village. Du reste, je ne dis pas tout cela au hasard, mais uniquement pour faire ressortir mes avantages. À la différence de ce qui arrive si souvent, chez moi, ces symptômes de la première enfance ne furent point de trompeuses amorces. J'étais vraiment né orateur. Je n'avais pas 5 ans qu'on faisait cercle autour de moi pour m'entendre causer, disserter, narrer, redire sous une forme nouvelle les leçons que j'avais apprises le matin, les livres que j'avais lus la veille, et noter que dans ma passion pour la parole, je n'étais point poussé par une vanité d'enfant, par un sot désir de briller. Je ne recherchais point les applaudissements, non. J'aurais aussi bien parlé devant un auditeur que devant 1000. Même, une fois, je m'installais devant les Sabines de David. Par un effort d'imagination, je me représentais Romulus, Tassius, Hérédie, les soldats de l'une et de l'autre armée, toutes ces femmes, tous ces enfants, comme autant de personnages vivants, et je leur contais, dans le plus grand détail, l'histoire de Joseph qui m'avait ravi les jours précédents. J'étais charmé du silence respectueux avec lequel chacun m'écoutait. J'aimais donc la parole pour la parole. Comme un berger amoureux de sa flûte ou de ses pipeaux, j'aimais ce merveilleux instrument de la voix humaine, et je tenais pour irréparablement perdu tous les instants pendant lesquels il se taisait forcément. Je portais une secrète envie aux somnambules, parce qu'on me disait que la plupart d'entre eux étaient en même temps somniloques. de toutes les infirmités humaines, le mutisme me semblait le plus épouvantable. Je me souviens même que certains jours, de mauvais sujets m'exploitèrent à propos de ce sentiment d'une manière assez ingénieuse. Profitant d'un moment où ma mère était absente et où je me trouvais seul dans le parc avec une bonne, ils s'approchèrent de moi, me firent comprendre par signes, et en poussant fort ce cri guttural, qu'ils avaient perdu l'usage de la parole. Puis ils montraient leur bouche pour dire qu'ils n'avaient pas mangé depuis longtemps. Ils frappaient sur leur poche pour indiquer que pas un rouge liard n'y avait élu domicile. Mon cœur s'émut. Je donnais le grand cœur, les 10 francs dont se composait ma petite fortune. Je m'en applaudissais, et j'avais commencé à expliquer à Françoise les avantages de l'éloquence et la déplorable condition des muets. Lorsque, derrière la haie qui sert de mur au parc, nous vîmes passer 2 blouses blanches. Nos muets de tout à l'heure étaient justement vêtus de blanc. Les blouses étaient surmontées de 2 têtes, et dans ces têtes il y avait des bouches qui s'en donnaient à cœur joie, à rire, à chanter, à gloser sur l'ami des muets. « Doit-il chérir les poissons, celui-là ? » disait l'un. « Ma foi, moi, j'aimerais autant être muet pour de bon, » disait l'autre, et sourd par-dessus le marché, que bavard comme ce petit monsieur. Quelle fontaine, quel moulin à paroles, quel piborgne, mais je deviendrais fou s'il me fallait demeurer seulement 8 jours à portée de cette langue. Nous en a-t-il dit sur les avantages du Parlement ? Allons, nous avons bien gagné nos 2 pièces de 100 sous. Dépêchons-nous d'aller les boire à sa santé. Il en a parbleu bien besoin. S'il y va de ce train-là, il finira par crever, par se casser le gosier, du moins. Comment fera-t-il alors pour déplorer son malheur avec la voix qu'il n'aura plus ? Et 1000 autres colibets. Vous pensez bien que cela ne me guérit pas. Je fus mis au collège. Je soupçonne que ma pauvre mère, qui pourtant m'aimait si tendrement, dut renoncer à son premier dessein d'avoir un précepteur à domicile, parce qu'elle commençait à trouver que je réalisais un peu trop les promesses de mon berceau. Avez-vous quelquefois traversé une ruelle toute peuplée de blanchisseuses qui font avec leur battoir un concert assourdissant ? Avez-vous été emporté par une vieille carriole dont toutes les articulations semblaient démantelées, et même en roulant sur le gazon, ferait à elle seule un vacarme d'enfer ? Avez-vous été emporté par ce véhicule invalide sur une route nouvellement empierrée et que le rouleau n'a point encore foulé ? Avez-vous assisté à quelque émeute ? Étiez-vous à la chambre le 24 février ou le 15 mai ou le 25 juin sur la place de la Bastille ? Apprenti artilleur, avez-vous été de planton à côté de 20 batteries pendant qu'elles vomissaient, à l'envi les unes des autres et, tant que durait le jour, des boulets et de la mitraille ? Et au sortir de ce vacarme qui vous ébranle, qui vous perce et vous brise le tympan, qui vous donne sur les nerfs, qui vous agace, qui vous irrite, qui vous met hors de vous, qui vous conduit, se semble, jusqu'aux limites du vertige et de la folie, vous êtes-vous trouvé tout à coup assis au fond d'un bois et sur le bord d'une eau courante, sans autre bruit que le mouvement des feuilles agitées par le vent, que le doux gazouillement du ruisseau sur les cailloux polis, que le rossignol qui, par quelques notes lancées comme au hasard et suivies de longues pauses, semble préluder au concert de la nuit. Si, après ce tapage, vous avez connu ce silence délicieux, après ces tempêtes, ce calme vraiment divin, vous devez comprendre comment on commença de vivre chez moi quand je fus parti pour la pension. Ma chère mère elle-même, tout engouée qu'elle fût de votre serviteur, se dit en cette matinée mémorable « Ah, décidément je respire. Un jour de plus, un jour de cet intarissable parlage, et vraiment j'expirais. » Maintenant, je dois avouer que le collège ne me guérit qu'imparfaitement. Pendant les classes et les études, il fallut bien me taire, et je fus puni si exemplairement, le premier jour, pour avoir essayé d'enfreindre la règle en racontant à voix basse mes aventures à mon voisin, que je dus me soumettre. Je me tus aussi longtemps que le silence était absolument nécessaire. Mais, et vous reconnaîtrez avec moi, que sous ce rapport ma manie de parler me fut un précieux éperon, j'avais remarqué qu'en classe on interrogeait surtout les élèves qui travaillaient le mieux, qui étaient en mesure de devenir de brillants sujets pour le concours général, qui, par la pertinence de leurs réponses, pouvaient être utiles au reste de la classe et reposer un peu les pauvres poumons du professeur en parlant à sa place. Je travaillais donc d'arrache-pied. Au bout d'un mois, quand M. Léchala, notre maigre et sec professeur, posait une question difficile ou semblait nous mettre au défi d'expliquer un passage un peu entortillé, « Moi, monsieur, » répondais-je tout de suite. Et comme dès les premiers jours je me tirais à mon honneur de cette épreuve, la chose passa en habitude, je fus interrogé presque tous les jours. Ensuite, parce que je lisais fort bien et que j'étais infatigable, je fus bientôt désigné pour faire la lecture à haute voix pendant les repas. 10 années de suite, je lus à mon auditoire silencieux, je n'oserais ajouter attentif, le même volume dépareillé de l'histoire du Bas-Empire de Le Beau. Je rendrai cet hommage à la vérité de dire que, si intrépide que je fusse, Narcèse, Genséric, Totila et la reine Amalassonte commençaient à me sortir par les yeux quand je quittais le collège. Plus variés étaient mes discours en récréation. J'avais peu de goût pour la balle, les barres, la toupie, le cerf-volant, la marelle, tout jeu sans valeur, disais-je, et qui conviendrait aussi bien à des muets. J'avais donc organisé, au bénéfice des amis de l'art oratoire, des maladroits, de ceux qui avaient la laine courte, des mauvais joueurs et les jours de pluie au bénéfice du préau tout entier, des jeux nouveaux. J'étais à peu près seul en scène, il me suffisait de quelques comparses. Même, je les suppléais à toute force, et je savais me contenter d'une douzaine d'auditeurs. Je jouais à l'avocat. Au besoin, si je ne trouvais personne pour me donner la réplique, je faisais successivement le demandeur, le défendeur et le ministère public. Quant au président, c'était presque toujours un personnage muet. Et s'il avait un résumé à faire ou un jugement à prononcer, il était convenu d'avance qu'il me déléguait ses pouvoirs. Je me plaçais derrière son estrade et je parlais pendant qu'il faisait les gestes. Je renouvelais ainsi, sans m'en douter, la scène de Don Juan et de Leporello. Je jouais à l'improvisateur italien, au professeur, au matelot perdu dans une île déserte et qui comptait ses douleurs aux rochers, aux chèvres et aux tortues du rivage. Tout cela ne m'empêchait pas d'être un bon camarade, un très bon écolier et même un assez bon chrétien. L'année que je fis ma première communion, l'aumônier m'imposa pour pénitence pendant la retraite de demeurer, chaque récréation, à un quart d'heure absolument sans parler. J'y réussis, Dieu aidant, et la chose fut jugée héroïque par tout le collège. Le reste du temps, comme on ne voulait point me briser et qu'on n'était pas fâché d'utiliser mes petits talents, je devais narrer aux retraitants des histoires édifiantes. Enfin, la religion prit sur moi un véritable empire. Je ne disais « durus est hic sermo », cette parole est dure, qu'à un seul passage des Saintes Écritures, celui qui est relatif aux paroles oiseuses. Et encore, je me consolais en pensant que ce passage ne s'appliquait pas à moi, car si je parlais beaucoup, qui pouvait nier que tous mes discours ne fussent grandement utiles? Je quittai le collège. « Feras-tu ton droit ou ta médecine ?» me dit mon père. Je répondis comme l'enfant à qui l'on offre une poire de la main droite et une pomme de la main gauche en lui disant « Choisis !» Le marmot, lui, étend ses deux petits bras et empoigne à la fois la pomme et la poire. Je décidai que je ferais concurremment mon droit et ma médecine. Mon père était médecin et je ne voulais pas l'attrister, en paraissant répudier un état qu'il aimait et dans lequel il jouissait d'une grande considération. Mais le droit mène au barreau, et le barreau, c'est par excellence le métier des parleurs. Comment renoncer d'avance à cette pépinière d'orateurs? D'ailleurs, je me sentais de force à mener de front Hippocrate et Justinien. Mes parents ne s'y opposèrent point. J'étais travailleur. Le travail, un travail acharné et qui ne laisse pas une minute pour les méchantes actions, même pour les mauvaises pensées, ce travail leur paraissait, après la prière, le meilleur préservatif contre le mal. Et puis, le dirais-je, une chose me séduisait dans l'étude du droit. C'était ces nombreuses conférences établies entre les jeunes gens dès le commencement de leur première année. Comme j'allais jouir là, tout à mon aise, de mon cher instrument de la parole, comme j'allais l'exercer, l'aiguiser, lui donner de nouvelles forces par un usage assidu. Et puis, encore, nous avions les conférences de Notre-Dame. C'étaient alors les beaux jours du père Lacordaire. plus de 3000 jeunes gens se pressaient chaque dimanche autour de la chaire de l'illustre dominicain. En sortant, on discutait sur ce qu'on venait d'entendre. J'étais, comme de juste, toujours au premier rang de ces discuteurs. Que de protestants, bon Dieu, que de déistes, que de panthéistes, que de libres penseurs de toutes nuances j'eus successivement pour adversaires. Et si je ne les écrasais pas tous par la foudre de mon éloquence ou le marteau de ma dialectique, en est-il un seul que je n'ai laissé abasourdi sous le poids de mon intarissable faconde? Au sortir de Notre-Dame, j'allais trouver ceux de mes camarades qui avaient été empêchés d'assister à la conférence, et je la leur récitais d'une haleine. Puis, le soir, nous nous réunissions de nouveau. Plus d'une fois, non content de redire, de paraphraser, de critiquer ou de défendre le discours du matin, je cherchais à deviner quel serait celui du dimanche suivant, et notre salle retentit de l'analyse anticipée d'une conférence future.